Alors, je m'appelle Matt, mais ce n'est pas très important, je vous présente mes comparses, puisque à ma droite, immédiatement, nous avons Monsieur Crevette, puisqu'on va utiliser les noms d'origine, hein, pas vraiment nos blases de célébrités, on va plutôt utiliser nos noms d'origine. Monsieur Crevette, du magazine Player One, venez avec nous, Monsieur Didou, vous serez bien, asseyez-vous, vous allez voir, les sièges en plastique sont très confortables. Nous avons Monsieur Matt Murdock et Monsieur El Didou qui s'installent sous vos applaudissements nourris et spontanés. Je suis hyper content, j'ai l'occasion de le dire plusieurs fois, d'avoir organisé cette conférence parce que dans les années, je suis né en 80, donc j'ai eu l'âge de lire Player One au moment... voilà, il a commencé à casser l'écran. J'ai eu l'âge de lire Player One au moment où c'était publié et tout. Et je l'ai dit plusieurs fois en live ou dans les présentations, c'est la conférence cadeau pour les ados de 40 ans et plus. Et voilà, c'est la conférence que je me suis offert et je suis content de voir que je ne suis pas le seul détraqué à avoir envie de rencontrer ces personnes qui m'ont fait aimer le jeu vidéo, peut-être vous aussi, et qui ont été à l'origine de Player One, qui est le premier magazine de jeux vidéo. C'est marqué dessus. C'est marqué sur le... Oui, mais alors, c'est pas vrai. C'est pas le premier magazine des jeux vidéo, c'est le premier magazine sur les consoles de jeux. Parce qu'avant nous, il y avait quand même Tilt. Et Console Plus. Non, Console Plus est arrivé après nous. Arrête. Et en fait, Console Plus est né de Tilt. C'est Tilt, quand il nous a vu arriver, qui a dit qu'il faut qu'on réagisse, il faut que nous aussi, on fasse un magazine spécialisé sur les consoles. Et c'est là où ils ont créé Console Plus, dans un pur esprit de copie. Ok. T'es en train de... Donc, non, mais avant, il y avait HebdoGiciel, il y avait les magazines dédiés, il y avait plein de magazines avant. Et c'est Console. Premier magazine en Europe, hein, d'ailleurs, je crois. Tu vois, je t'avais dit que ce serait pas une conférence sérieuse, que je vais dire de la merde. Bon, enfin. Il n'y avait pas de magazine sur les consoles de jeux vidéo avant les années 90. Absolument pas, non. Non, car comme nous l'avons expliqué tout à l'heure lors d'une interview pour le site... Pour la web télé du salon. Pour la web télé du salon. En fait, quand nous, on est arrivés, les consoles de jeux étaient pestiférées. Parce qu'il y avait eu une première vague de consoles de jeux à la fin des années 70 avec les Atari 2600, ensuite les ColecoVision, Mattel Intellivision et tout ça, qui a été la première vague, la première génération de consoles et qui ont fait au bout d'un moment, qui ont eu un énorme succès avant de complètement s'effondrer. Et une fois qu'ils se sont effondrés, et c'est devenu des pestiférés, ce sont les ordinateurs comme les Commodore 64, les Atari ST et compagnie, qui étaient un peu à la mode. Et les consoles de jeux, c'était vraiment souvenir d'Atari. Pour les gens, c'était vraiment minable, on ne pouvait rien en faire. Et nous, on est nés avec l'arrivée justement de la seconde génération qu'a lancé Nintendo avec la Famicom au Japon, qui s'est appelée ensuite la NES, suivie par Sega avec la Master System. Et en fait, nous, on avait vu qu'au Japon, ça prenait, et on s'était dit, bah, y a un truc qui se passe. Nintendo est arrivé en France au début, d'ailleurs, ils étaient distribués par une petite boîte, ils ne sont pas arrivés en nom propre. Et ensuite, ils ont été distribués par Bandai. Et c'est seulement une fois que le succès a été énorme qu'ils sont devenus Nintendo France. Mais nous, on est arrivé au moment où la NES commençait un peu à progresser en France. Mais à l'époque, c'était encore les consoles de jeux, c'était vraiment très mal considéré. Ah, c'était plus que mal considéré. Il y avait toutes les légendes urbaines. Ma mère était persuadée que si je branchais la NES sur la télé, je faisais exploser le tube cathodique. On était encore dans ce genre de légendes urbaines. Il y avait cette légende, et puis même les gens du jeu vidéo. Chez nous, quand on a lancé Player One dans les réunions, ils ne comprenaient même pas qu'on puisse dire que la console pouvait avoir de l'avenir. Pour eux, ça allait être une petite mode de 5 minutes et ça allait mourir. Quoi. Nintendo, pour eux, c'était un épiphénomène. Alors, il y a plein de trucs, déjà, qui méritent qu'on rebondisse dessus. Vous dites, nous, à l'époque, on avait remarqué que ça marchait au Japon. J'ai envie de faire un petit tour. Qui étiez-vous à l'époque? Où étiez-vous? Qu'est-ce que vous faisiez? Comment vous êtes devenu rédac dans ce magazine? Et pourquoi est-ce que déjà à ce moment-là, vous êtes tourné vers le Japon et vers ce qui se passe au Japon? Déjà, moi je suis arrivé sur Amstrad 100%, enfin Amstrad PC au début, qui étaient les journaux dédiés à Amstrad, hein, donc c'était vraiment de la micro-informatique. T'as quel âge à ce moment-là? J'avais entre 20 et 25 ans, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. 25 ans, peut-être, je ne sais plus, aucune idée. Moi, c'était pas ma culture, la micro-informatique. Moi, ma culture, c'était déjà le jeu immédiat, le plug and play, l'arcade. Ouais. Je jouais en arcade. Et quand je suis arrivé dans le monde des ordinateurs, donc sur les journaux Amstrad, c'était carrément un autre monde, quoi. Tu vois, il y avait des lignes de code sur des centaines de pages dans les magazines. Enfin, moi, c'était la culture pop. Fallait jouer tout de suite. Fallait qu'il y ait des personnages comme les Tortues Ninja. Voilà, j'étais vraiment... j'étais déjà conquis par la console. Et quand Cyril est arrivé, quand Crevette est arrivé, à la fin d'Amstrad 100%, et qu'on a commencé à faire des réunions pour le lancement de Player One, on s'est vraiment retrouvé là-dessus. Je me rappelle, on était allé au Salon du Jouet. À l'époque, c'était le seul endroit où on pouvait voir la NES. Je te rappelle, on était allé au Salon du Jouet. Bon, nous, on aimait les Tortues Ninja. On commençait à aimer tout ce qui était aussi le dessin animé japonais, tout ça. C'était vraiment une autre culture, quoi. La micro-informatique, c'était les rôlistes, c'était les programmeurs, la culture pop. C'était un autre pan, quoi. Ouais. Tu vois, c'était Tolkien. Mais c'était pas les Tortues Ninja, ils détestaient. Tout ça, c'était pas mélangé comme maintenant, quoi. Et donc, quand on disait on veut faire un canard dédié aux consoles, les mecs, ils disaient non, c'est pas possible, quoi. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais. Ouais, en fait, moi, j'étais quand même assez fan depuis tout petit. J'étais assez fan d'ordinateur. J'avais commencé avec un ZX81. Après, j'avais eu les classiques, Oricain, tout ça. Vous pourrez Wikipédier ces références pour en savoir plus, évidemment. Voilà. Oui, mais t'aimais aussi les Game & Watch. Alors voilà. Donc, j'étais assez fan de tout ça, mais. Mais avant cela, mon père m'avait ramené une fois, quand j'étais vraiment tout petit, je crois que j'avais 11 ans ou un truc comme ça, il m'avait ramené un Game & Watch des États-Unis. Il était allé pour le boulot aux États-Unis, il m'avait ramené ça, et j'avais halluciné. C'était le Nintendo, c'était le parachute. Alors, le Game & Watch, du coup, pour replacer pour nos voilà, amis qui n'ont pas la couleur, c'était un jeu électronique que faisait Nintendo. Bon, peut-être vous connaissez sans doute. C'était des petits jeux électroniques qui s'appelaient Game & Watch parce que ça donnait l'heure aussi. Mais c'était vraiment. Et c'était les premiers jeux hors jouets de Nintendo. Et c'était incroyable. Et c'était du décor qui était dessiné sur le fond du truc. Et toi, oui, tu avais juste un bonhomme que tu devais déplacer. C'était à cristaux liquides, donc il y avait. Pas de mouvement, quoi. Il bougeait. Il bougeait sur des patterns. Donc c'était vraiment super. Donc moi, j'avais eu cette exposition à Nintendo via ça. Après, je suis passé aux ordinateurs et j'ai été engagé. À l'époque, on n'était pas nombreux quand même à faire du jeu vidéo. On était vraiment très peu. Et j'avais été engagé par un des tout premiers magazines qui s'appelait Joystick Hebdo à l'époque, parce que Joystick, au départ, c'était hebdomadaire, et j'avais été engagé pour lancer Joystick Hebdo. Et puis, un jour, y a le rédac-chef d'Amstrad 100% qui était venu me voir, et on avait commencé à discuter. Et moi, du coup, comme avec les Game & Watch, le nom Nintendo, ça me parlait. J'avais vu que Nintendo avait lancé une console au Japon et que ça marchait et que c'était en train de venir en France. Donc moi, j'avais pas ce côté répulsif de la console parce que le nom Nintendo, ça me parlait et que je me disais, putain, si c'est aussi génial que les Game & Watch, aussi génial que les Game & Watch de l'époque, ça va être fabuleux. Et effectivement, il s'est révélé que c'était fabuleux. Donc quand j'ai discuté avec le rédac chef d'Amstrad 100%, qui pour la petite histoire était venu m'interviewer, il a été surpris que je sois attiré par les consoles. Et il m'avait dit, justement, on se tâte un peu là de lancer un on veut lancer un magazine, mais on aimerait bien peut-être qu'il soit que console. Est-ce que ça t'intéresse? Et je lui avais dit oui, bien sûr. Et puis c'est comme ça que je suis arrivé, que j'ai rejoint Matt. Et toi, Didou, t'es arrivé bien après. Didou, il fait ses courses sur le Cloud Drive pendant la conférence. Là. Il a ton compte Amazon là, il est en train d'en prendre cher. Là. Moi, je me rappelle plus de la question. J'ai trouvé ça un peu long, mais bon. Je regardais les gens, je me dis qui est là parce qu'il en a marre d'être debout et qui est là parce qu'il se dit vraiment qui sont ces trois cons qui nous racontent l'histoire des jeux vidéo. Donc je sais plus la question, mais de toute façon, ça doit pas être très intéressant la réponse. Non, bah, comme tout le reste de la conférence. À mon avis, nouvelle question parce que ça va pas être intéressant. Oui, je voulais juste, c'est une question de contexte en fait. On est dans une époque qui est extrêmement différente. Le magazine se lance dans les années 90. Il y a juste pas de micro informatique. C'est pas installé. Et du coup, on n'a pas non plus accès à forcément toutes les ressources qu'on a par Internet. Et par exemple, la première rubrique que je lisais, moi, dans le magazine, c'était évidemment les trucs et astuces. Parce que quand tu étais bloqué dans un jeu, bah, tu devais attendre que le magazine en parle le mois prochain. Et puis, s'ils n'en parlaient pas, bah, le mois d'après. Et on est dans une façon de consommer le jeu vidéo qui était complètement différente de celle d'aujourd'hui. C'est qui est le public du jeu vidéo à ce moment-là? Est-ce qu'il y a vraiment un engouement? Est-ce que c'est des... Bah, le public était assez jeune hein, quand même, malgré tout. On avait pas réussi à convaincre leur daronne que le tube catholique n'allait pas péter. Voilà. Mais bon, en tout cas, le magazine Player One a tout de suite trouvé son public, ça c'est sûr. On a tout de suite marché et on s'est rendu compte que ça cartonnait, quoi. En fait, le public était jeune à l'époque parce que les jeunes, ils n'avaient pas... cette espèce de barrière qu'avaient les adultes à l'époque où ils voyaient ce truc arriver, ils comprenaient pas. Pour eux, c'était parce qu'il y avait ça. C'est que dans le milieu du jeu vidéo, les consoles étaient pestiférées, mais au global, les jeux vidéo étaient pestiférés à l'époque. Hein. C'était vraiment, on était considérés comme des je sais pas comment on peut dire, des débilos. On était considérés comme des débilos. Il y a une réaction derrière vous, si t'avais plus de 12 ans et que tu jouais à un jeu vidéo, t'étais un mongolien, quoi. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, mais moins quand même. À l'époque, c'était vraiment. Et les jeunes, eux, ils n'avaient pas cette barrière-là. Ouais. Donc, les consoles, elles ont tout de suite. Les consoles et les jeux vidéo en général, ils ont tout de suite pris dans ce public-là. Et donc, ils étaient. C'était un public jeune. Moi, j'avais un BMX et ça m'arrivait plein de fois de faire du vélo jusqu'à pas d'heure. Non, mais jeune, c'est même pas le bon terme. C'est que à l'époque, c'était vraiment les enfants qui jouaient aux jeux vidéo. Et qu'à 16 ans, enfin, quand fallait on avait arrêter, 17, quoi. 18 piges, nos potes, ils nous regardaient, ils nous prenaient pour des débiles. Parce qu'aujourd'hui, 18 piges, tout le monde peut jouer au jeu, tu peux avoir une console chez toi, il n'y a pas de souci. À l'époque, tu étais un débile quand tu jouais aux jeux vidéo, dépassé 12 ans. Donc c'était... Les enfants, c'était fait pour les enfants de toute façon. C'était surtout ça vraiment le gros problème. Et je m'arrêterai là. Il y a une vraie, il me semble, alors vous allez me dire, il y a un vrai prisme avec la culture et avec la pop culture immédiatement dans le lancement du magazine. J'ai la vision d'une presse autour des jeux vidéo je dois avoir deux numéros de Tilt et un numéro de Console Plus avant d'avoir du Player One, qui me paraissait sage. Et en fait... au niveau de Player One, il y a un vrai lien avec la culture, avec la pop culture. On a la couverture de Player One numéro 1 qui s'affiche sur l'écran. On voit que immédiatement vous avez une mascotte. Il y a un personnage qui va incarner le magazine, qui est le jeune un peu cool de l'époque. N'essayez pas ce look. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Vos couvertures étaient faites par des dessinateurs de BD qui aujourd'hui peuvent être réputés. Il y a Olivier Vatine qui a travaillé sur les couves de Player One. Il y a eu plus tard dans l'histoire du magazine différents liens avec la BD, avec les comics, avec les mangas. C'est même mieux que ça, le logo Player One, c'est à l'époque un pote qu'on avait qui s'appelle Olivier Mégaton, qui était graffeur à l'époque et qui aujourd'hui est devenu un des plus gros metteurs en scène français. Puisque c'est lui qui a fait Tekken 2. C'est Tekken 2, il a fait. Ou le 3. Non. Non, Tekken 2. Il a fait Tekken 2. Il a fait Enfin, il bosse avec Besson. C'est un des grands, grands metteurs en scène français. Donc, tu vois, ça peut mener à tout, Player One. En tout cas, pour ce qui est de ça, la base. C'est qu'on est arrivé avec Pierre Valls, qui est le rédacteur en chef, quand on est arrivé à Amstrad 100%, on est arrivé dans un monde qui était plutôt informatique, donc qui n'avait pas de lien avec la culture extérieure, en dehors du jeu de rôle, de Tolkien, de ce que je disais tout à l'heure. Et nous, notre rêve, c'était de faire Metal Hurlant, c'était... voilà, on était dans ce trip, on faisait de la musique tous les deux, on faisait de la bande dessinée, on n'était pas uniquement jeux vidéo, on aimait le jeu vidéo, mais pour nous, le jeu vidéo, c'était qu'une partie de la pop culture. Et pour nous, c'était déjà de la pop culture, mais pour les gens dans la micro-informatique, c'était pas de la pop culture. Le jeu vidéo, c'était une partie de l'informatique. Ça faisait partie de la programmation. Ouais. Donc, c'était pas du tout le même esprit. Nous, on arrivait, dès le numéro 1 d'Amstrad 100%, on arrivait. Je me rappelle, j'ai fait l'interview de Daredevil, Matt Murdock, c'est peut-être pour ça que je me suis... Tu vois, on a fait des interviews de super-héros, on a parlé de BD, on a parlé de musique, on a amené des dessinateurs, on a amené des graffeurs, on a invité des rappeurs. Tout de suite, on était dans un autre univers, quoi. Et je pense que c'est pour ça que Player One, on a déteint sur Player One, surtout au début, où le journal était très différent des autres magazines de jeux vidéo. Ouais, c'est totalement vrai. Moi, par exemple, j'étais très jeune quand je suis arrivé et j'avais été élevé à Goldorak, donc aux premiers animés japonais, au Club Dorothée, à tout. Donc, ce qui est drôle, puisque je m'y suis retrouvé après, mais comme on était assez jeune et tout, ce qui n'était pas le cas, par exemple, de Tilt et Console Plus, où tu avais Jean-Michel Blottière, qui avait 112 ans dans sa tête, et Alain Huyghe-Lacour, que j'adore, qui est vraiment un super pote, mais qui est quand même beaucoup plus vieux que nous, donc qui certes est un fan de jeux vidéo absolu, mais qui lui venait de la musique, qui avait pas cette culture que nous on avait, et on était vraiment multiculture à Player One, c'est-à-dire qu'il y en a qui venaient de la BD, il y en a qui venaient de la musique, il y en a qui venaient de partout, et donc on avait cette ouverture d'esprit peut-être que n'avaient pas nos concurrents. Bah, ça s'est aussi ressenti dans le magazine, je disais souvent comme anecdote, j'ai découvert Magic. Mais en fait, pour être honnête, ça a commencé à Amstrad 100%, pour être honnête. Non, mais je l'ai pas lu, donc, et voilà. J'ai mal bossé ma conférence. C'est-à-dire que déjà, sur Amstrad 100%, c'était vraiment les prémices de Player One. Parce que déjà, il y avait des rubriques de maths, tu faisais de la musique hein, dans Amstrad 100%, il y avait de la BD, il y avait tout ça, il y avait déjà les prémices. Moi, je suis arrivé, je faisais une rubrique... Comme je suis arrivé avant le commencement de Player, puisque on m'avait engagé pour participer au lancement de Player, j'ai commencé aussi des rubriques dans Amstrad 100%, t'endors pas Didou, je faisais une rubrique sur les jouets, tu vois, donc rien à voir. Donc déjà toute l'équipe était quand même sur cet esprit pop culture, et encore plus Didou, même s'il est arrivé après. Moi, je sais pas si je vous ai dit, mais j'avais un BMX. Et bon, tout le monde s'en fout. Ce qui était bien, en fait. Est-ce que ça t'a permis de... J'aime pas qu'on me coupe la parole. Ah, oui. Ça, c'est le premier truc. Non, mais au moins, c'est important de le savoir. Donc, je peux partir. Je peux partir très vite. J'ai mon billet Ouigo. Faut arriver une demi-heure en avance. Je peux en avoir quatre. C'est pas grave. Ouais. Player One, la force, c'était des gens passionnés de jeux vidéo, mais pas que, c'est ce que disait Matt, mais c'était ça en fait qui marchait, c'est-à-dire qu'ils aimaient les jeux vidéo autant que la musique, la BD. Il y avait vraiment plein de cultures qui se croisaient, et dès le départ en fait le jeu vidéo c'était une passion, mais pas c'est pas la monopassion, on aimait tout, on aimait le cinéma, il y avait tout qui se mélangeait. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont été je dis eux parce que ils sont les pionniers, moi je suis arrivé après, même si j'ai sublimé l'affaire en toute simplicité. Mais ils aimaient tout et il y avait vraiment une soif de tout découvrir, et je pense qu'ils ont vu très tôt que le manga c'était bien, parce que c'est vous qui avez quand même des mangas vachement en France, à la télévision et partout. Et puis le jeu vidéo, on avait compris qu'il y avait déjà des vrais artistes qui arrivaient, qui se pointaient, qui avaient des trucs à raconter, et je pense que c'est pour ça qu'on se sentait aussi bien et qu'on s'ennuyait pas, parce qu'on faisait pas que du jeu vidéo. Il y a plein de trucs qui ont émergé du coup de... J'avais pas complètement fini de ce que vous faisiez. Non, j'ai pas complètement fini. Je voulais parler de mon BMX. Et un Raleigh. Et je sais pas si vous vous souvenez, il était jaune et bleu, il faisait partie des premiers. Et au cinéma est sorti Le Gang des BMX, qui est un très bon film. Je l'avais vu en été à Courseulles-sur-Mer. Et j'avais fait du vélo toute la nuit. Drop. Dans ce lien avec la pop culture, il y a plein de trucs qui émergent du magazine. Il y a par exemple, Matt, tu as scénarisé une BD, Jebster, qui sort pendant les années Player. Il y a des compiles de musique où vous faites la synthèse de musique de jeux vidéo, mais il y a aussi des trucs que tu reprends à la gratte. Il y a un morceau original, du coup, Tom B, c'est un truc original. Ouais, il y a même un morceau qui s'appelle Player One, la chanson. Tom B, ouais. Player One, ouais. Et du coup, on arrive dans, donc il y a plein de touches avec la pop culture. Il y a les blockbusters, vous êtes partenaire des blockbusters, il y a les posters dans le magazine et tout. T'as une chambre de ouf quand t'as 15 ans en 95. Et y a un lien avec le manga dont vous parliez, et on va parler de l'envers du décor du magazine juste après. Vous lancez dans la vague Player, il y a d'autres magazines Player qui se créent, il y a notamment Manga Player qui se crée, qui est un magazine de pré-publication, donc dans lequel on a des épisodes de plein de séries de manga. T'achètes le magazine et t'as plein de cette manga façon Shonen Jump, en fait, façon ce qui se passait au Japon. Et il y a, enfin, c'est un magazine qui est, c'est très con, mais c'est influent dans l'arrivée du manga en France. Dans les premières éditions de Ranma 1/2, il y a les notes Player One à l'intérieur. C'est pas anodin, c'est pas, ça fait vraiment rentrer la pop culture. Ouais, surtout que le manga, au début des publications françaises, hein, y a eu Akira au départ chez Glénat, mais c'était pire que le jeu vidéo. Hein. C'était vu, c'était la lèpre. Je crois qu'on peut même pas imaginer la manière dont même la bande dessinée voyait le manga. C'est-à-dire que nous, on descendait à Angoulême tous les ans, au festival d'Angoulême de la BD, hein, qui se passe en ce moment. Ah oui, d'ailleurs, si vous êtes là, vous ratez Angoulême, juste ouais, pour être... Et on devait d'ailleurs lancer, Manga Player, on devait le lancer avec Delcourt. Ouais. Mais tout le monde avait trop peur du manga. Les gens, ils disaient, c'est pas possible, ça va rendre les gens tarés, c'est que de la violence, c'est que du sexe. Enfin bon, on voit ce que c'est devenu, hein, mais on a vraiment lutté sur le manga, on s'est battu comme des chiens, quoi. Et du coup, on fait émerger la pop culture. Quelques années plus tard, tous ces gens vont partir vers la télé et bah, faire rentrer les jeux vidéo dans les émissions un peu plus grand public et dans la télé. Mais alors, à l'époque, comment ça marche la rédaction d'un magazine? Je sens que Didou, tu as envie de nous parler de ça. Comment ça? On est avant la composition. Ah, tu l'as bien senti. J'avais envie d'en parler. Tu vois, on a plein de trucs très cons à l'époque. Aujourd'hui, c'est facile de faire une copie d'écran de donc, ton jeu. Donc, il venait en BMX, hein, déjà. Je connais pas cette personne. Comment tu fais une copie d'écran de jeu vidéo à l'époque? Comment on fait la mise en page sans ordinateur? Où sont les consoles? Comment ça marche la rédac de Player One dans les années 90? Aucun intérêt. Mais en revanche, non, eux ils vont en parler parce qu'ils sont très techniques. Moi je vais juste dire un truc qui était génial. On était jeunes et tout d'un coup il y a un mec moi qui m'a dit: tu sais que tu peux jouer à un jeu, écrire ton avis et on te donne de l'argent. Et beaucoup d'argent. Et parfois, tu partais même en Angleterre, aux États-Unis ou au Japon, et on te payait plus cher parce que tu étais en reportage. C'était la belle vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça n'existe plus, mais on a gagné notre vie. On vivait, c'était comme une famille. Il y avait ceux qui étaient là le jour, la nuit, le jour et la nuit. On dormait sur place, on avait une douche. Moi, je prenais. Moi, ils je s'en me servaient lavais. Pas tout le temps. Je vais citer personne, mais il y en a plus d'un qui se lavait pas. Et il y en a qui sont présents. Moi, je me lavais. Tous les jours. On avait nos affaires, mais on vivait et on gagnait super bien notre vie en jouant aux jeux vidéo, en allant voir des films et tout ça. Mais ça, franchement, ça a été des années magiques. C'était complètement dingue. On le faisait sérieusement. C'était énormément de boulot. Il fallait défoncer un jeu, le terminer pour pouvoir le tester. Et ça, on s'y tenait vraiment. On faisait des solutions de jeu, ça nous prenait des semaines et des mois et tout, mais c'était vraiment la belle vie. Donc c'est une vie de rédac qui était dingue. Et effectivement, donc au début, nous on a connu pour faire une photo du jeu, c'était une imprimante qui sortait des photos comme un Polaroid, et on découpait les photos, on le collait sur du papier millimétré, et on le donnait à la maquette. Il y avait Gilles à la maquette. Salut Gilles. Avec un S à la fin, mais qu'on ne prononce pas. Ouais. C'était à la Samat. Et en face, il y avait la Fab où il y avait Malika. Eh bien, ils sont là pour vous. La cochonne ? Ce soir. Ouais. Alors, il y avait, c'est effectivement... Comment elle s'appelait ? Je ne sais plus comment elle s'appelait, mais elle va dire, on a fait... Il y avait la chef de Fab qui n'aimait pas que la Fab. Elle aimait plein de trucs. Elle était très ouverte, très libérée. Elle avait inspiré Cookie Dingler, je pense. Il y avait Perrine aussi qui travaillait à la pub, qui elle était beaucoup plus coincée. Ouais. Et je me rappelle de la chef de Fab dans l'avion qui fait: j'ai mal au genou, je me suis brûlé sur la moquette. Et Perrine qui était... Non mais... Ou Didou a raison. Non. C'est qu'effectivement c'était une vie de dingue. Alors, pour quand même préciser ce qu'il vient de dire, certes, on était payé pour faire des jeux vidéo, mais alors, vraiment, la thune, on en avait vraiment, mais alors, rien à cirer. Parce que, comme de toute façon, il le disait... Bah, t'achetais plus tes jeux, déjà. Hein ? T'achetais plus tes jeux, déjà, donc... Non, on vivait, comme il le dit, on vivait à la rédac, en fait. Mmh. En fait, la journée, elle se passait... on sortait, on allait en salle de test, on commençait à sortir les consoles vers 18h. On jouait toute la nuit parce que, comme il l'a dit, c'était vraiment un trademark de Player One. On avait pour mission même les jeux pourris. Hein, fallait finir le jeu pour faire le test, quoi. Donc, autant vous dire que quand c'est un jeu vraiment pourri, c'est dur. C'était pas le bon côté du métier. Et on jouait toute la nuit. On se barrait vers je sais plus 6h du matin et on revenait vers 11h et 11h midi, on dormait pas beaucoup donc, et puis après on écrivait toute l'après-midi, on écrivait le test, quoi. Donc c'était une vie un peu un peu en marge. Et c'était très bizarre, le matin on croisait dans le premier métro, on croisait les gens qui allaient au boulot. Et nous, on avait les yeux carrés, on venait de passer la nuit à jouer, et on était un peu des extraterrestres. Non, mais on partait à Los Angeles. Moi, j'avais 19 piges, je me retrouvais pour le boulot à partir à Los Angeles. La première teuf qu'on a fait avec Sony, il y avait qui ? Non, avec Sony. Il y avait qui jouait à côté de nous dans la soirée ? Ou à un moment, tu te retournes et tu dis, c'est lui que je suis en train de voir ou pas ? Michael Jackson, invité par Sony. Bah ouais, moi j'étais épaté. Je l'avais jamais vu. T'es en train de jouer, puis tu fais genre, ouais, je vais faire genre, je m'en fous. Tu dis non, c'est Michael Jackson qui est à côté de toi en train de jouer. C'était une vie qui était géniale. Sony, de toute façon, ils ont révolutionné le jeu vidéo. Je sais pas si on en parlera après. À la deuxième heure, on parlera. On le fait plus en deux heures ? Non, ça va être très bien, continue. Bon, alors, j'appelle sinon, les prochains intervenants en décale. On ferme à 23h aujourd'hui, donc tout ira bien. Ouais, moi, j'ai mon Ouigo, il est à quelle heure ? Tu rentreras en BMX, ça te rappellera ta jeunesse. Et alors, c'était incroyable. C'était beaucoup de boulot, mais on ne le sentait pas. C'était vraiment une passion et on le faisait par pure passion. Et c'est vrai que c'était assez étonnant. Après, quand on recevait les courriers des lecteurs, c'était dingue, quoi, parce que nous, quand on faisait le truc, on se rendait pas vraiment compte, quoi. C'est vraiment quand sur des salons on croisait les lecteurs, soit quand on recevait le courrier des lecteurs, là on se rendait compte que ça intéressait ceux qui nous lisaient, que ça leur plaisait, voilà. Ouais, moi je voulais juste rajouter pour le côté pop culture, c'est vrai que par rapport à ce que dit Didou. C'est que quand Sony est arrivé, il y a vraiment eu un changement de mentalité, en tout cas sur les gens avec qui on travaillait. C'est-à-dire que avant Nintendo, même si Nintendo et Sega, hein, même si leur jeu était super, machin et tout ça, les mecs c'était des gens du marketing qui avaient encore l'esprit dans le jouet, en fait. C'était encore dans le jouet. Mmh. Et Sony est arrivé avec un autre esprit, avec un voilà, ils invitaient des chanteurs, des trucs. Je me rappelle, à MCM, on demandait des consoles à Nintendo pour le plateau du journal, par exemple. Pour ceux qui n'ont pas suivi, après Player One, tout le monde part un peu à la télé. Mais j'ai juste l'esprit PlayStation, ouais. Quand ils sont arrivés en 95 en France. À MCM, on avait le journal du soir. Bon, c'était quand même relativement regardé. On demandait à Nintendo des consoles pour mettre derrière... Tu vois, pour avoir la console, l'invité, il venait, il jouait un peu derrière en attendant et tout. On n'arrivait pas à en avoir. Parce que les mecs, c'était trop compliqué de demander aux Japonais une console. Mais pourquoi ? Pour la télé, mais pourquoi ? On ne comprend pas. Ouais, c'est chiant, mon histoire. En tout cas, Sony, tout de suite, on a eu la console des artistes. Ils nous amenaient, c'était différent, quoi. Et un des premiers trucs qu'a fait Sony avec la PlayStation, au lancement de la PlayStation, pour vraiment montrer à quel point... Ils ont changé le marché et à quel point ils avaient un esprit différent, c'est qu'ils ont mis des bornes avec des PS1 dedans, dans les boîtes de nuit. Et ça, pour Nintendo, ça aurait été l'espace, quoi. Donc Didou a confisqué le micro pour faire sa pause, il y a eu trop de blabla. Tu vas poser une pêche là ou quoi ? Non. Je mets un petit temps avant de dire un truc passionnant. Ce qui est génial avec PlayStation, c'est que vraiment, quand ils sont arrivés, ils ont voulu vraiment prendre les jeunes adultes. Vous, nous les trentenaires. 32, 33. Éternellement trentenaires. Et vraiment, Nintendo et Sega, ils se foutaient de leur gueule en disant, mais les jeux vidéo en France, donc quand même fin 90, n'importe quoi, c'est pour les enfants, cherchez pas, vous n'aurez pas ça. Et PlayStation, ils ont réussi. Franchement, c'est devenu cool. Avant, tu te baladais avec un t-shirt Super Mario, comme ça ou n'importe quoi, on se foutait de ta gueule. Aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, sur le salon, si. Non, mais beaucoup moins. Parce que c'est vraiment devenu... Et ça, c'est grâce à PlayStation. Aujourd'hui, si tu portes ton t-shirt Super Mario aussi facilement, c'est grâce à PlayStation, parce que porter du PlayStation, avoir une PlayStation dans son salon, c'était devenu cool. Et ça, ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit, nous, effectivement, ils sont allés avec les groupes, ils ont fait les concerts, ils sont allés dans les boîtes de nuit, mais ils sont allés sur le snowboard, ils sont allés sur tous les trucs branchés, sur tous les trucs, et ils ont cartonné, ils ont mis plein de fric, et et même leur première campagne de pub, là, avec le CAP, là, le comité anti-PlayStation, c'était super drôle. Enfin, ils ont vraiment révolutionné le truc. Et on peut... Non, parce qu'après, j'ai un truc génial à raconter. Non, je le raconterai à la deuxième heure. Non, mais il y a aussi... Il y a eu ça, et où ils ont été malins, c'est qu'aussi, ils ont compris... que ceux qui étaient gamins et qui jouaient aux jeux vidéo à l'époque de Player One et tout ça, bah, ils sont devenus adultes. Et adultes, ils ont forcément pas craché sur ce qu'ils avaient adoré quand ils étaient gamins. Donc le marché a vieilli et ils ont accompagné ça. Alors que Nintendo est resté encore un peu dans le côté gamin. Moins maintenant, parce que le marché là s'est vraiment élargi. Mais c'est vrai que jusque dans les années 2005-2010... Nintendo était plutôt sur des niches plutôt enfants, quoi. Bon, aujourd'hui, c'est différent parce que le marché a quand même changé, quoi. Bah, ça s'est vachement ouvert avec voilà, ce ça s'est ouvert. Tout ce qui a été mouvement. Voilà. Ouais, il y a eu la Wii. La Wii a changé beaucoup de choses aussi dans l'image de Nintendo au niveau des adultes, même si ça a été, elle n'a pas duré sur le temps par rapport au public féminin et tout ça. Bon, il y a eu une ouverture aussi. Il y a d'autres consoles, la Saturn a marqué l'histoire de Sega aussi par exemple, a beaucoup changé le regard qu'on a sur les machines ouais, Sega. Ouais, enfin peu quand même. Hein. Bah, du coup ça s'est arrêté, c'est ce que je dis. C'est pas ce qu'elle s'est vendue. Mais mais malgré tout, le combat continue. Parce que il y a encore, même si ça a évolué... Le combat, la lutte. La lutte continue frères. Parce que... tu vois, si tu constates aujourd'hui, même si ça a évolué dans les mentalités des gens... Dans les médias, les mentalités n'ont pas tant évolué que ça. Je veux dire, il n'y a quand même aucune émission sur le jeu vidéo, sur les chaînes classiques, et quasiment plus sur les chaînes... C'est parce que tu t'es fait virer de partout, en fait. C'est ça. Bah oui. Mais je ne me suis pas fait virer de partout, parce que je suis toujours sur M6. Oui, mais tu fais la voiture maintenant, tu fais plus de jeu et vidéo. Et justement, il y a encore peu, sur une chaîne de notre groupe... Un directeur des programmes où avec un pote on avait fait un truc sur le j'avais participé avec lui à une émission un peu spéciale sur un jeu vidéo où le mec a programmé dans une tranche jeunesse en nous disant mais les jeux vidéo c'est pour les gamins de toute façon voilà et ça c'était il y a 2 ans hein. Donc tu vois que vous voyez que il y a encore du boulot à faire quoi. Ouais, alors après, je sais pas si c'est un combat de toute façon qu'il faut vraiment mener et tout, mais parce que de toute façon, si tu regardes en télévision, bah, t'as pas d'émission sur la musique, t'as pas d'émission sur le jeu vidéo, t'as pas d'émission sur le cinéma, t'as pas d'émission sur la BD. Et ça, c'est pas que les dirigeants de télé qui sont responsables, c'est aussi les gens qui regardent pas de toute façon. Nous, on a passé des années à faire le JT de la musique ou différents trucs avec des bons journalistes, à essayer de présenter des nouveaux artistes en musique ou en BD ou en n'importe quoi. Les gens ne regardent pas. Et c'est vous. Donc on est content de vous avoir aujourd'hui, ça va mal se passer. Parce que vous regardez pas, qu'est-ce que vous foutez là? Au lieu de regarder la télé. Il n'y a plus de télé. Mais non, ils jouent pas, ils font rien. Il y a ceux qui sont là au show, qui sont des... Je m'assieds, j'en peux plus du salon, j'ai fait 4 fois le tour. J'ai mon Ouigo à 18h, moi aussi je reste. Il y a 3 mecs qui parlent. Il y en a un qui dit, ouais, nous l'argent, on s'en foutait. C'était la passion avant tout, bah, fallait me filer tes piges, parce que moi l'argent, je m'en foutais pas du tout. Moi, il n'y a que le pognon qui m'intéresse. Non, on était, franchement, je vais le redire. Merci Alain Kahn, on était très très bien payés. C'était énorme, c'était dégueulasse. Je peux même pas vous dire combien. Bah déjà, c'est en francs, on comprendrait pas. Moi, j'ai pas. Tout fait remplacer en titane chez moi. C'est, c'est simple. Je rentrerai pas dans les détails de mon anatomie, mais j'ai de l'ivoire. C'est artificiel, mais c'est de l'ivoire. Et du coup, c'est un gros staff, le magazine, à l'époque ? Il y a beaucoup de rédacteurs, de piges, Ouais, il y a quand même pas mal de monde. Franchement, il y a quand même pas mal de monde. Et je parlais d'Alain Kahn, qui était le patron. C'était un peu sa danseuse, parce qu'il avait d'autres business à côté, donc il gagnait sa vie autrement. Mais on peut quand même le remercier, parce qu'il a quand même lâché beaucoup, beaucoup d'argent pour des passionnés. Je pense qu'il nous prenait pour des fous, parce que lui, il arrivait à 8h du matin avec son petit costard, qui voyait danser des mecs torse nu, qui sortaient de la douche, complètement défoncés, qui avaient joué toute la nuit. Et on chantait aussi bien des conneries que des conneries. Et on peut le remercier, parce que franchement, ça a duré pendant des années. Lui, il aimait ça aussi, il venait avec nous aussi sur les salons. Bon, il aimait beaucoup les hôtesses. Et il faisait beaucoup de photos avec les hôtesses. Il y a une photo de lui avec une casquette en cuir Judge Dredd. À l'époque, on ne le disait pas, mais c'était très gênant. Et puis voilà. Donc ouais, non, il y avait quand même pas mal de monde. Il y avait au moins une bonne quinzaine de rédacteurs qui tournaient. Ouais, il y a différentes périodes. Il y avait au moins 4-5 maquettistes. Il n'écoute plus du tout ce qu'on lui dit. Si, si, j'écoute, mais je règle des gens qui n'arrivent pas à rentrer. Donc il y avait beaucoup de maquettistes. Non, moi aussi, je sais répéter le dernier truc. Il y a une différence entre écouter et entendre. Il y avait beaucoup de monde. Ouais, il a mis ça. Beaucoup d'argent. Ouais, pose ton jouet, là. Fais pas le con, gamin. Non, non, il y avait quand même pas mal de monde. C'était à Boulogne, on était au rez-de-chaussée. Et j'avais un bureau près d'une fenêtre, ce qui était pratique parce qu'à l'époque, je fumais des cigarettes. Et souvent, alors mon ordinateur était là, bon, c'était pas des trucs comme ça à l'époque. Et j'ouvrais la fenêtre quand je voulais fumer et je sortais comme ça. Je vous le refais. Là, je me retrouve dehors et je peux fumer. Et je re-rentre. Parce qu'à l'époque, on pouvait encore fumer à l'intérieur. Et je sortais uniquement... Ah oui, il y avait Patricia. Il y avait Patricia. Alors, dans les trucs pas intéressants, il y a Patricia, qui était une poche 30 de Boulogne, qui avait rien à voir avec le jeu vidéo. Ah, il est où le beau ? Il est où mon beau ? C'était Gambas qui est plus là. On t'embrasse, Gambas, on pense à toi. Et une fois la fenêtre est ouverte, elle est tombée, elle s'est fracassée. Oh, c'est pas super intéressant comme anecdote. Je sais pas si elle est encore vivante. Où que tu sois, Patricia. On pense à toi. On se retrouvera quelque part. Il y aura Michel Berger, il y aura Patricia. Il y aura les uns, il y aura les autres. On a pensé à toi au Mans, Patricia. On a parlé de mon BMX, on a parlé de toi. On a dit qu'on était une quinzaine. Que Cyril s'en foutait des piges et du pognon. Que Matt. Matt, quelque chose à dire ? Alors Matt est là, alors qu'il a une rage dedans. Il est quand même venu, il souffrait le martyr, telle une bête. Et on lui a rien proposé, rien. Pas une solution, pas un médicament, c'est un scandale. Donc si quelqu'un a un petit peu d'héroïne, de morphine ou d'opium, ce sera pas du tout dans un but récréatif, mais ce sera pour le soigner. Parce qu'on a toujours été très clean. Ah ouais, j'ai dit que je fumais, je ne fume plus. Ne fumez pas. Jamais. Essayez de manger proprement, faites attention au sucre. Un peu de jeûne intermittent de temps en temps, pas trop, mais un petit peu. Arrêtez de faire 3 repas par jour. C'est une escroquerie. Pourquoi on dit déjeuner ? On casse le jeûne. Petit déjeuner, c'est l'industrie agroalimentaire qui veut nous vendre ça. Mais on en reparlera à la 3e heure. J'imagine. Et du coup, si on revient un peu à la vie de la rédac, comment ça se passe la répartition des jeux et des sujets entre vous ? Parce que j'ai le souvenir, et je vais parler avec Matt parce qu'il est plus gérable, tu nous as dit que tu étais très branché arcade, et moi, les souvenirs que j'ai des tests à l'époque, c'est une grande carte de SimCity où tu refais tout SimCity, et moi, j'ai essayé de copier le plan pour avoir des skills, et ça ne marchait pas, en fait. Et du coup, il faut qu'on en parle, parce que ça ne marchait pas, ta carte, c'était foireux. J'arrivais pas à faire la même ville. Et du coup, et des trucs, tu étais branché sur Zelda 3 aussi, ce genre de trucs. Et comment... Du coup, t'es plutôt sur des jeux longs à ce moment-là, plus du tout sur de l'arcade. C'est, tu te forces à faire ça ? C'est, vous avez des affinités avec certains jeux ? Comment non, ça se passe ? Ouais, c'est vraiment les affinités avec certains jeux. Et les anciens prennent souvent les jeux qu'ils préfèrent. Et les petits nouveaux, ils se tapent un peu toute la merde qu'il y a derrière. Quoi. Donc t'avais le choix, tu veux dire comme ça. Moi, j'étais ancien, donc je choisissais plutôt. Et bon, SimCity, c'est un de mes jeux préférés encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Et si t'arrivais peut-être pas, c'est que je suis très mauvais en découpage. Et si j'avais fait plein de photos, s'il faut, je les avais mal collées. Tu vois ce que je veux dire ? On vous raconte cette histoire. SimCity, donc, c'est le jeu qui est sur Super NES. Oui, sur Super NES. Et du coup, bon, tu as des petits morceaux de ta ville sur l'écran. Il a fait une carte de la ville, qui était la carte genre technique. Si tu fais ça, ça marche à peu près. Mais du coup, c'est quand même écran par écran. Donc, il faut prendre ta photo. L'imprimer. Avancer de 16 cases à gauche, prendre ta photo, avancer de 16 cases à gauche. Et il y a quand même un moment où tu es avec tes 75 photos à devoir les retourner pour les scotcher ensemble. C'est ça. Donc, il est possible qu'il y ait une erreur. D'accord, c'est ça, pas impossible. Mais c'est vrai qu'on collait, on avait des grandes planches, comme il disait tout à l'heure, des grandes planches, on faisait les photos, on sortait soit des petites, soit des grandes, et on les collait les unes à côté des autres pour faire les plans. Donc si tu collais assez mal comme moi, bah, c'était tout tordu. Quoi. Non mais c'était un travail de fou. Hein. Ah bah oui, j'imagine. Une fois, il n'y avait plus de colle. On allait en racheter, excellent. Non, faut aller au bout de l'anecdote. Faut savoir qu'en plus c'était particulièrement compliqué pour les jeux d'arcade, pour les, tu vois, avec des scrollings horizontaux, parce que fallait souvent faire pause, prendre la photo, avancer, pause, prendre la photo. Sauf que souvent quand tu faisais pause, t'avais des trucs qui s'inscrivaient à l'écran, donc fallait que t'aies un deuxième mec qui soit là, qui appuie pendant que toi t'avançais, qui appuyait, puis après fallait tout refaire les uns après les tout reconstitué après les autres. C'était assez fastidieux quand même. Et avant, en plus, parce que à un moment on a trouvé un système d'imprimante, mais au départ on prenait des photos d'écran. Donc imaginez-vous avec un appareil photo positionné devant l'écran, nous à côté avec la manette et une chambre noire. Ah, c'est ça le contexte. Il faut être dans le noir. Ah ouais, la seule lumière, ça vient de l'écran, raison, et vous prenez des photos de l'écran. Vous mettez toute la piole dans le noir, la seule lumière c'est la télé. Voilà, exactement. Et vous prenez des photos de la télé. Voilà. Et nous on était avec la manette et donc tu avais une salle dédiée à ça, on avait notre salle de test. Et les mecs, celui qui était préposé à la photo, à l'appareil photo, bah, il prenait en continu pendant que nous on avançait. Quoi. C'était un travail de bargeot. C'est quoi les sources d'infos à l'époque ? Comment vous chopez les trucs et astuces, on les trouve pas soi-même. Bah, c'était les éditeurs. On tannait les éditeurs pour avoir des codes, des cheats et tout ça. Donc des fois, ils nous enfilaient. Des fois, ils arrivaient à en avoir. Il y avait aussi la presse étrangère. Presse japonaise, presse américaine. Par exemple, pour Nintendo, il y avait beaucoup de Nintendo Power, qui était le gros magazine américain. Mais c'était énorme. Hein. Il y avait des millions d'abonnés. Quoi. C'était énorme, Nintendo Power. Donc on les achetait, on était abonnés à tous ces magazines. Et on testait derrière les codes qu'ils mettaient. Des fois, on en trouvait aussi naturellement. Quoi. Il y avait une librairie japonaise dans Paris, chez Junku. Et on allait acheter les Famicom Tsushin, parce qu'évidemment, il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, pour avoir les infos, c'était très chaud. Les Nintendo et Sega qui étaient en France, c'était des filiales. Donc, ils avaient que peu d'infos de la maison mère. La maison mère leur donnait les infos qu'elle voulait bien. Donc, globalement, par eux, on avait peu d'infos. Donc, on faisait ça. On allait, comme disait Matt, Nintendo Power, Famicom Tsushin pour les infos du Japon. On est presque à la fin de cette conférence. On a perdu beaucoup de temps avec l'histoire de Call et de BMX, visiblement. Je vous les prête, ils sont en dédicace. Dès la fin de cette conférence, ils partent directement à l'espace dédicace. Et vous pouvez les rencontrer et poser avec eux toutes les questions que vous n'avez pas eu le temps de poser. Là, dans cet échange. Non, ça m'intéresse de parler de la suite, en fait, de parler de la télé. Mais là, ils ne veulent pas poser des questions, là. Bon, attends, j'ai écrit deux questions, il faut quand même que je les... Bon, attends, tu sais combien ça coûte, l'encre ? Matt, moi déjà, je voudrais te remercier de nous avoir invités. Franchement, c'est super. C'est ta meilleure vanne de toute la conférence. Ah, il peut être drôle aussi, tu vois. Moi, j'ai pas tellement aimé ça. Dès que je suis sympa, de toute façon, je me fais rembarrer. J'ai compris le truc. Je voudrais juste dire un truc. J'étais à une soirée chinoise il y a 3 jours. Il faudra désinfecter le micro parce que ça toussait beaucoup. Ça marche. Un coup de lingette et ça va passer. Du coup, on fait quoi ? On parle de la télé ou on va dans le public ? C'est un peu la conférence doit être l'héros. Dans le public. Attends, c'est plus sympa. Est-ce que vous avez des questions pour nos... Ils n'ont pas de questions. Ils vont vouloir un code. Regarde. quand il non, veut lui, la code pour lui. Super Mario. Pas lui, méfie-toi de lui. Bonjour. Je me rappelle que dans les Nintendo Player, il y avait un classement des jeux vidéo. Et c'est une anecdote, hein, c'est pas une question. Et, un coup, il y a eu Super Mario Bros. 2 qui est passé en tête du classement. Et ça avait fait un tollé parmi vous. Super Mario Bros. 2. Ouais. Ouais. Qui était passé en tête du classement. Est-ce que ces classements, ça vous évoque quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Bien sûr. C'est toi qui faisais le classement? Et alors? Et alors, du coup, est-ce que ce Super Mario Bros. 2... Moi, c'est... En sachant que Super Mario Bros. 2, tu le sais, c'est un faux Super Mario. Hein. Je vais juste dire un truc. Moi, en fait, je recevais... Il y avait le classement que les gens envoyaient. Je recevais, je faisais un grand tableau et je faisais des petites croix pour chaque jeu. Donc si Super Mario Bros. 2 était numéro 1, c'est que les gens avaient voté pour lui et il y avait assez de petites croix. Moi, je changeais pas ce qu'il y avait. Hein. Donc c'était vraiment les lecteurs qui l'avaient apprécié. Mais moi, je l'aime beaucoup, ce jeu. Je l'aime beaucoup et toujours maintenant, d'ailleurs. Assez bizarrement. Oui, c'était le seul à la rédac. On le regardait comme un extraterrestre. Nous, on était à Donf sur Mario 3 et lui, il était encore sur Mario 2. Oui, bonjour. Attends, j'ai un truc super important à dire. Ok, je t'écoute. Moi aussi, j'aimais bien Super Mario Bros. 2. T'étais alors... pas encore là. Les astuces, c'était génial. Les astuces, c'était génial. J'avais juste une question, ce qui n'a peut-être pas vraiment un rapport avec les jeux vidéo, mais je me rappelle, dans votre magazine, dans Player One, il y avait un moment où vous étiez en conflit avec Famille de France. Ah oui, Famille de France. Ces enculés. J'ai bien résumé ou pas? Ouais, mais voilà, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu brièvement si vous pouvez, les sources du conflit et qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'était des cathos fachos de merde. Qui faisait chier. Alors ça fait partie de justement, tu vois, tout cet esprit fermé contre le jeu vidéo. Et donc il gueulait parce que les jeux vidéo, soi-disant, ça rendait les gamins débiles et violents. Vous êtes là pour le prouver, hein. Donc ça nous avait énervé. Ils nous envoyaient des courriers et nous on s'était dit mais on va les brûler, quoi. Façon Jeanne d'Arc. Non, mais les détracteurs du jeu vidéo, il y a eu les mêmes pour la bande dessinée, où aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus reconnu. En fait, dès qu'il y a un truc nouveau, on a l'impression que ça va pervertir la jeunesse, et je pense que le jeu vidéo rentre quand même maintenant dans la culture et que ça va mieux. Dès qu'il y a un truc nouveau, de toute façon, ça inquiète certaines personnes. La BD, maintenant, tout le monde se masturbe dessus en disant c'est génial. Le jeu vidéo, pas encore, mais bientôt. Je pense que ça va de mieux en mieux quand même. Moi, j'aime bien Famille de France, sinon. Bonjour. Moi, j'ai toujours rêvé de m'appeler Jean-Benoît, donc quelque part. Moi, j'aime l'église, j'aime les hommes d'église. Avec ou sans moustache. Oh non, je n'irai pas jusque-là dans la vanne. Bon, moi, merci d'être venu. J'ai une petite question. J'aurais voulu savoir comment vous avez vécu l'arrêt du magazine. L'arrêt du magazine? Oui, comment vous l'avez déjà appris, comment vous l'avez vécu à ce moment-là? Parce qu'apparemment, c'était une bonne époque. Je regarde Matt parce qu'on avait bu, tu te rappelles ou pas? On avait bu légèrement. Non, très sincèrement, l'arrêt du magazine, c'était triste parce que comme c'était vraiment une famille, mais vraiment. Bon, moi, après, je me suis rendu compte que j'étais le seul à dire que c'était une famille et que les mecs en avaient rien à foutre de ma gueule. Non, mais moi, j'aime énormément Matt. J'aime énormément Murdoch, Gambas. Le vrai. C'était vraiment, donc c'était triste parce que même si on a fait d'autres trucs après, on arrêtait quelque chose et que c'était quand même assez difficile, même si déjà à l'époque on était tous les uns et les autres un peu à gauche, à droite, à faire d'autres métiers en même temps. Et donc il nous a rassemblés pour nous dire que c'était terminé. Moi je me rappelle, j'avais des chaussures de ski et des skis, et j'étais dans son dos en train de faire semblant de faire du ski. On avait un peu bu et Matt était en train de dire à Maria, mais tu veux pas t'asseoir sur mes genoux? Donc on était à la fois tristes, mais bon, on continuait, quoi. Franchement, on continuait. On avait plein de trucs à faire. Et puis, on était tous déjà un petit peu partout. Mais c'est, on était tristes. Et moi, j'y pense souvent. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je te remercie d'avoir posé cette question. C'est pour ça que maintenant, sur cette note de tristesse, on va faire un appel aux dons. C'est difficile d'arrêter sa carrière de testeur jeux vidéo. Donc si vous avez une petite pièce, un ticket restaurant, un pass Navigo, un K-Way, quoi que ce soit, sauf pour Cyril qui n'a pas besoin d'argent. Non, on plaisante évidemment, on s'est fait des couilles en or et on continue encore aujourd'hui. Donc si vous avez des besoins, si vous êtes dans la merde, il a un K-Way pour vous. Passez nous voir, on a des cartes, si vous prenez la carte, on peut vous donner un petit peu d'argent. Et le magazine était Player One, c'était la marque centrale, mais vous avez beaucoup dispersé la marque. Il y a Manga Player, il y a Nintendo Player. Il faut savoir que l'équipe de base, on était déjà quasiment tous en télé au moment où ça s'est arrêté. Attendez, on a dit qu'on ne parlait pas de la télé, vous n'allez pas me faire passer pour un con devant tout le monde. On était déjà tous partis en télé. En revanche... où c'est triste et en même temps pas triste du tout, c'est que comme l'a dit Didou, c'était vraiment une famille. Je pense qu'on a tous vécu des moments exceptionnels, mais incroyables, absolument incroyables. Et on est tous restés une famille. C'est-à-dire que quand on se voit, quand on se croise, ouais. Il y a toujours un petit truc particulier, quoi. C'est la famille Player One. On est tous restés potes quasiment. On essaie de se voir de temps en temps, pas assez, hélas, mais parce qu'on fait tous beaucoup de choses. Mais on est restés. Et puis fallait bien que ça s'arrête à un moment ou à un autre. Tout avait changé. De toute façon, le monde avait changé à ce moment-là. Donc voilà. Ouais, c'est Internet qui arrive. De 1990. C'est Internet qui arrive en fait. À 2000, ouais, c'est vraiment le changement d'un paradigme, voilà. D'un monde. Mais qui c'est fait pas bien. Si triste l'arrêt parce que voilà, si aussi vous êtes là, c'est parce que ça a été quelque chose de très sympa. Voilà, on l'a vécu. Pour nous, ça a été magique. Qui connaît Player One ici? Ah, qui connaissait avant le début de la conf? Ah bon, ça marche. Qui rentre à Paris ce soir? Je voudrais pas rentrer en Ouigo, personne. Bon, tant pis, je rentrerai en Ouigo. Covoite. Ouais, mais toi, tu roules trop vite. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Prendre mon petit Ouigo, peinard, c'est pas si loin. C'est bien le Ouigo, hein. Bon, faut arriver une demi-heure avant, apparemment. Moi, je savais pas, j'ai découvert. Il y a pas de bar à l'intérieur. Il dit, c'est pour votre confort, monsieur. Bon, d'accord. J'étais place 273, elle est pas si mauvaise, j'étais côté couloir. Les gens passent, hein, me ça dit pardon. On est poli. Merci famille de France, la politesse, délicatesse. Voilà. Est-ce qu'on fait une petite question sur l'inflation? Je vois que le premier magazine est à 15 francs. Le 32e magazine, donc moins de 3 ans après, est au tarif excessivement onéreux de 28 francs. Qu'est-ce ouais, qui s'est alors, passé? C'est, tu es rentré dans l'équipe à ce moment-là, en fait, c'est ça? Alors, non, mais justement, autant Player One, c'était peut-être cher. Autant tous les... Ah non, quoi qu'il y avait des Solus aussi dans Player One. Mais dans les magazines de Solus, il faut se rendre compte que vraiment, c'était énormément de boulot pour la personne qui le faisait, pour la personne ensuite qui montait et tout ça, et ça leur coûtait déjà très cher. Et c'est vrai que ça se retrouve un peu dans le prix des magazines. Et franchement, pour un Mac de Solus, à ce prix-là, nous, c'était 30 balles aussi, un truc comme ça, je pense que ça les valait véritablement. Le Mac de Solus, pour ceux qui n'ont pas vécu le truc, il y avait des numéros en plus du mensuel, qui étaient des numéros événementiels, dans lequel c'était blindé de Solus. Quoi. Ouais. Et nous, on avait fait 64 players ou différents trucs de Nintendo console. Nintendo Player, ouais. Non, tais-toi quand je parle, c'est chiant. Bah, les gens sont passionnés, en plus, là, voir le truc. Non, on faisait vraiment des magazines de Solus et c'était très long, c'était bien. Et à l'époque, pareil, il n'y avait pas Internet, c'était la seule solution pour finir des jeux. Et tu nous demandais tout à l'heure comment on faisait, mais on jouait en fait. Et on les défonçait, on essayait de trouver les solutions véritablement tout seul. Parfois, on n'avait vraiment pas le choix. Puis parfois, il y avait des codes. Je me rappelle de OO, Baba, gauche, gauche, L2, L2, triangle, triangle. Il ne se souvient plus du jeu par contre. Non, tout le monde s'en fout. Il le fait dans plein de jeux, mais. Je ne comprends pas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. On se rend dédicace à Strasbourg le 24. Hein, c'est ça? C'est Strasbourg? J'adore le sud-ouest. Donc, Strasbourg, Béthune? Ouais, la salle des fêtes? Béthune, salle des fêtes? Ouais, venez avec les enfants. Et puis sinon, moi, je vends un trampoline. Très peu servi parce que j'habite dans le 16e et je sais pas. Bon, bah, le 16e, très peu de place. Salut Spider-Man. Très peu de place pour le trampoline. Et puis, c'est tout. Alors merci voilà, d'être venu, merci d'être resté. Et Matt, une nouvelle fois, merci mille fois. C'était très un vrai plaisir. C'était un vrai bonheur. Quand tu parles de... On n'a pas eu du tout de problème à monter cette conf, en fait. Un coup de fil et tout le monde était chaud. C'était... Il y a vraiment... quand tu parles de l'esprit de famille et on s'entend bien et tout. Enfin voilà, nous ça s'est ressenti aussi dans le truc. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Je vous les prête. Ils sont à vous en espace dédicace pendant 2 heures. Ils ont visiblement plein d'objets à vous montrer, des trampolines, plein de trucs. Faites-en ce que à vous deux voulez. Heures, on va vous faire des dédicaces, mais ça dépend. Ouais, ça va être chier des heures de et des heures. Et ah, j'ai ma corde à sauter. Qui fait de la corde à sauter? Faites de la corde à sauter. Alors arrêtez de courir. Qui court? Il n'y en a qu'un. Bon, arrête de courir, tu vas te niquer les genoux. Passe à la corde à sauter, très bon pour le cardio. Les gens qui font de la corde à sauter pour aller au boulot, très connu, ça marche bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi tout ça. Fais et d'avoir, bien attention. Supporté Didou. Fais bien, bien attention. Merci beaucoup. Et achetez des pop, c'est important pour la planète. Un peu plus de plastique et puis une belle collection de pop chez soi, franchement, ça en jette. Moi, je sais que je vais m'y mettre. Acheter des belles pop, acheter les. C'est scandaleux, ils font une photo sans vous. Vous voulez pas faire la photo avec le public? Ah bah on avec en tous rêve, les gens qui sont venus rêve, vous voir. On en rêve. Attendez. Meilleur final. Eh, hey, j'ai réussi à les faire lever le cul de leur chaise. À bientôt. Eh, hey, serrez-vous si vous voulez être sur la photo. Parce que... Merci Strasbourg. Et j'ai complètement oublié de vous dire une dernière info. On a un stand entièrement dédié au magazine Player One qui est juste un peu plus loin dans l'allée. C'est le stand de la page Facebook Player One Magazine. C'est un nom bien trouvé. Et il y a plein de mags, plein de trucs que vous avez fait de l'époque, de format publicitaire, de sous-blister. C'est des vrais, vrais fans passionnés collector. Merci et beaucoup. On peut tout voir. Franchement, merci beaucoup. On espère qu'on n'a pas été trop chiant. Merci.